Salut à vous, merci de nous accueillir encore en cette matinée sur les antennes de la fréquence du corps de Christ. Bienvenue à cette autre édition du partage. Je rappelle, c'est la troisième articulation de délice matinale que nous vous proposons chaque matin des 6h10 à 8h. Et cette semaine particulièrement, nous parlons de porter sa croix et suivre Jésus. Une interpellation du Seigneur adressée à ses disciples est-elle encore d'actualité? Et qu'est-ce que cela signifie? Nous avons, lors de nos premières éditions, essayé un petit peu de présenter la situation actuelle de l'Église. Et malheureusement, on a constaté que l'Église, en ce temps-ci, a tendance à ne pas accepter forcément ce message. Pourquoi? Non, peut-être pas accepter, mais ne comprend pas véritablement l'aspect de la croix qui implique la souffrance et la difficulté, mais accepte plus la croix comme étant un instrument de triomphe, de victoire et de bénédiction. Pourtant, Jésus nous dit, non seulement lorsque nous venons à sa suite, de nous disposer à porter sa croix en passant par le renoncement, qui est la première étape que nous avons abordée. Évangéliste Libertran Tchabda, bonjour à vous. Bonjour encore une fois de plus, c'est un plaisir pour moi d'être dans ce studio de Radio Bonne Nouvelle ce matin. Et bien sûr, on a commencé à parler de porter sa croix et on a, lors de notre dernière émission, on a précisé qu'on ne peut porter sa croix si déjà on n'a pas pris le temps ou alors le soin de renoncer. Et nous avons vu, je dis déjà bonjour à tous les auditeurs qui nous écoutent encore aujourd'hui, pour ceux-là qui vont aller l'un au travail, l'autre au marché et d'autres qui sont encore à la maison, qui traînent encore le pas ce matin, que le Seigneur bénisse tous ceux-là et qui cherchent sa voie. Nous avons vu donc que renoncer voulait dire s'abandonner, se soumettre, renoncer à ses droits, c'est-à-dire que ce n'est pas la dépersonnalisation, mais la reconstruction de soi-même selon un modèle nouveau. Autrement dit, que ce n'est pas l'abdication de soi, comme j'ai dit la dernière fois, il dit que beaucoup de personnes font la cesse. Il ne s'agit pas de s'exclure de la société. S'exclure de la société. Pourtant, nous, parce que nous faisons la partie intégrante de nous sommes les membres, un des membres de la société, de ces sociétés. Oui. Autrement dit, ce n'est pas l'abdication de soi, mais l'évacuation de tout ce qui empêche la récréation de notre personne par le Saint-Esprit. Mmh. C'est pour ça que le Saint-Esprit dit dans le livre de Luc, chapitre 14, verset 33, que renoncer à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. C'est le Seigneur qui le dit. Donc, renoncer à soi-même veut dire simplement cesser de compter sur notre propre capacité, notre propre force pour s'attendre, dépendre uniquement du Seigneur. Et la voie pour le faire, ce n'est pas la suppression de la chair en multipliant le jeûne, les prières et autres là-bas, c'est uniquement dépendre de l'Esprit. Ainsi donc, dans l'Ude des Romains au chapitre 8, verset 14, il déclare ceux qui sont conduits par l'Esprit sont les fils de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils sont sous la discipline du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit donne discipline, comme nous avons vu. Nous voyons dans l'Ude des Romains, Hébreux chapitre 12, les 16 premiers versets, où il explique cette discipline-là comme un parent disciplinerait ses fils sans pourtant vouloir sa mort. Nous voyons effectivement, et il dit donc que de la même façon, le Père discipline ses enfants, pas pour les tuer, mais afin qu'ils participent à sa sainteté. Et comme vous avez dit à l'introduction, cette discipline-là passe par le renoncement. Parce que lorsqu'on renonce, compter sur le Seigneur, ce n'est pas facile. Parce que pour que vous n'ayez pas de l'emploi, et qu'on vous dit compter sur le Seigneur pour cela, attendez-vous à lui, ce n'est pas facile par rapport à la chair. Ce n'est pas facile par rapport à la chair. Est-ce que le christianisme aujourd'hui n'est pas un petit peu... Le chrétien d'aujourd'hui, n'est pas à l'image de ce jeune homme qui est venu voir Jésus et lui démontrant en fait toute sa spiritualité, lui donnant de comprendre qu'il voudrait quand même être son disciple. Mais lorsque finalement Jésus lui demande de renoncer, de se séparer de tous ses biens, absolument, en fait à ce moment-là il y a quelque chose qui se passe. Qu'il ne va pas. C'est pour cela que nous voulons comprendre avec l'exemple que vous avez pris dans ce livre de Luc au chapitre 12 que effectivement nous avons quelque chose à perdre avant de suivre le Seigneur. Parce que lui il a perdu, il a dû quitter sa gloire pour venir porter sa croix sur la terre et avant de rentrer dans la gloire. Il faut qu'on se comprenne que premièrement nous avons été créés par Dieu pour un but bien précis et ce but là passe par certaines étapes dont Dieu a fixé lui-même et on ne peut pas fuir. Essayer de fuir cela, c'est essayer de se convaincre par exemple qu'on ne mourra pas, que ce sont les autres qui meurent. Pourtant nous savons très bien que c'est une épreuve à 100% sûre que nous allons passer par la mort. Donc nous voyons effectivement que cette personne là est venue confronter le Seigneur Jésus-Christ en lui présentant ce que nous faisons aujourd'hui, sa forme de christianisme. Il lit la Bible tous les jours, il jeûne tous les jours, il donne ses dîmes, il donne ses offrandes, il va dans la campagne d'évasion, il est fidèle à l'église, mais Dieu veut le renoncement. Dieu ne nous a pas demandé de faire ce que c'est ces choses-là qui nous rapprochent de lui, c'est le renoncement, c'est l'intimité. Parce que au travers de ces renoncements, il y a l'apprentissage du Saint-Esprit, la discipline du Saint-Esprit, le contact avec lui, l'intimité avec le Père. Et par conséquent, il n'y a pas de contact intime. à partir de ce niveau, lorsqu'il n'y a pas de contact, on commence à perdre les repères. Comme je dis dans les précédentes émissions, on commence à chercher des hommes ou de chercher le Seigneur. Et beaucoup de personnes donc aiment mieux écouter la voix des hommes. Malgré qu'on sait que celui-ci est un menteur, il a de nous diriger à la perdition. Ils aiment mieux cela qu'on leur dise ce qu'ils veulent entendre. C'est quand même terrible. Alors que celui qui aime le Seigneur voudra abandonner vraiment tout. Comme nous avons vu la dernière fois, vous avez cité le cas de Pierre dans Marc chapitre 10 verset 27 où il a dit: voici Seigneur, nous avons tout quitté, abandonné pour te suivre. Nous avons vu effectivement la belle-mère de Pierre dans la Bible. Il était marié. Il avait une entreprise de pêche. Ce qui est curieux, c'est que le soir où il laissait les dépêcher, le Seigneur Jésus lui a donné assez de pêche, assez de poissons ce soir-là. La Bible déclare clairement dans Luc chapitre 5 qu'il a tout abandonné là-bas. Et les bateaux, le canot, le filet, les poissons, même qu'il a pêché pour commencer à suivre le Seigneur Jésus. Mmh. C'est quand même terrible aujourd'hui pour nous aujourd'hui. Mais aujourd'hui, si le Seigneur nous appelle, nous recevons une voix du Seigneur. Il y a des gens même qui se lèvent, ils chassent cette voix-là, la voix du Seigneur au nom du Seigneur. Ils chassent la voix parce qu'ils ne veulent pas entendre. Pourquoi? Parce que nous sommes accrochés à nos biens matériels. Nous sommes tellement accrochés sur la terre que c'est tellement difficile que le dynamo, le Saint-Esprit nous amène vers le haut. Mmh. Alors, abordons un petit peu le deuxième aspect de ce texte de Matthieu que nous avons commencé à développer lors de notre dernière émission, où Jésus nous invite d'abord à renoncer. Et deuxièmement, il dit, alors, le verset 24 du chapitre 16 de Matthieu dit, alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Alors maintenant, lorsque nous voyons effectivement, souvenez-vous, les auditeurs qui m'écoutent à la maison peuvent faire le parallèle avec Luc chapitre 14, le verset 27 à 33. Mmh. Souvenez-vous, dans ce verset 25 du chapitre 14 de Luc, la Bible déclare que des grandes foules faisaient route avec le Seigneur Jésus. Donc, les gens ont pensé qu'on marche derrière Jésus-Christ tout simplement en allant à pied. Le Seigneur Jésus ne veut pas seulement qu'on marche derrière lui à pied. Il faut qu'on soit accompagné avec tout notre cœur. Mmh. Parce que quelqu'un peut être, comme j'ai cité le cas des gens qui sont dans les vous avez fait l'état de cela la dernière fois, d'une jeune fille qui serait au milieu de l'assemblée, dynamique au milieu de l'assemblée, ou bien, si physiquement parlant, les pasteurs même peuvent me donner témoignage qu'il y a une bonne sœur ici, mais pourtant dans le secret. Donc, en fait, elle aime une autre vie. Elle aime une autre vie, double vie. Et beaucoup sont comme ça. Beaucoup sont comme ça. Y compris même les pasteurs. Il y a le cas des pasteurs que j'ai rencontrés qui ont trois femmes et l'une des femmes ne connaît pas l'autre. D'autres ont même des femmes même dans leur propre assemblée. C'est quand même terrible. Mmh. Donc, le Seigneur Jésus dit que si quelqu'un veut venir après moi, dans ce Luc chapitre 14, puisque c'est le même contexte encore, c'est la foule qui a de suivre Jésus. Et encore, dans notre contexte, on voit effectivement comment le christianisme, c'est un christianisme de foule. Et bien là, Jésus va commencer à donner la sélection, les conditions pour marcher derrière lui. Donc, on ne marche pas derrière lui seulement physiquement. On marche maintenant avec une preuve de vie. Il va dire que si quelqu'un vient après moi et qu'il ne renonce pas à lui-même, c'est quand même terrible. Et qui ne se charge pas à sa croix, il ne peut pas être son disciple. Alors, se charger de sa croix. Maintenant, se charger de sa croix, ça veut dire qu'accepter toutes les difficultés qui sont chargées d'après la voie que tu vas suivre derrière lui. Mmh. Donc, avec un langage simple, ça veut dire ceci. En fait, je prenais le livre de Luc chapitre 14 tout à l'heure pour dire effectivement que le Seigneur va montrer quelque chose, un autre parabole. Il y a une parabole qui est ajoutée pour amplifier par rapport à ceci. Mmh. Il a dit dans cette parabole, à partir du verset 30, il dit que quel est ce roi qui veut aller en guerre? Ne reste d'abord pour calculer si avec 10 000 il pourra attaquer 20 000. Et s'il ne le peut, il va envoyer dans une ambassade pour demander la paix. Puis il donne encore une autre parabole, c'est deux paraboles qui se trouvent là-dedans. Il dit que quel est cet homme qui, s'il veut bâtir une maison, ne s'assoit déjà pour savoir si ça avec les planches qu'il peut avancer ou bien avec le brique ou bien avec le parpaing. Et s'il ne veut pas, il ne peut pas, il ne faut pas qu'il commence une maison et quand plus tard il peut pas. Et curieusement, donc, la majorité des vies chrétiennes sont des maisons abandonnées. Maison abandonnée parce qu'on n'a pas mesuré le prix. C'est pour ça qu'il a dit que si quelqu'un veut venir à moi, en fait, il veut dire renoncer à lui. Il faut qu'on mesure le prix à payer pour le suivre. On ne vient pas à lui tout simplement comme ça. Parce que la vie du renoncement, ce n'est pas facile. Mmh. Ce n'est pas parce que quelqu'un quitte sa personnalité. Vous allez voir quelqu'un qui est dans le monde, il est colonel, l'autre est président, mais il vient à l'Assemblée. Quoi, peut-être qu'il sera toujours président à l'Assemblée. Donc, ce n'est pas l'Église ne peut être président de l'Assemblée nationale parce que là-bas, c'est seul Christ qui est la tête. Mmh. Il va falloir qu'on puisse dire, par exemple, prosternons-nous, louons le Seigneur et que quelqu'un qui était de sa haute statue puisse mettre ses genoux au sol devant le roi des rois. Puisse adorer véritablement le Seigneur. Absolument. Et on l'a dit, renoncer. Oui. Porter sa croix, vous avez un petit peu expliqué, porter sa croix signifie accepter toute difficulté, toutes les railleries qui pourront être là-bas. Et c'est là, la dernière fois, je vous ai parlé de Matthieu chapitre 10. Remarquez très bien que dans Matthieu chapitre 10, justement, lorsqu'il parle de cette chose, de cette porter sa croix, c'est-à-dire se renoncer et porter de la croix, lorsqu'il parle à ses disciples, il va commencer à donner des injonctions. Parce que à chaque fois qu'il va faire tel de ça, vous allez voir, il va mettre les relations entre les proches, il va parler de que c'était un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme. Vous voyez, si celui qui perdra sa vie à cause de lui, il la perdra. C'est pour dire que quoi? Si on suit, on a déjà renoncé à soi-même. Et c'est pour que Dieu nous mette dans des tempête dont nous n'aimerons pas. Mmh. Et c'est pour ça que Dieu nous met devant le fait où nous ne pourrons pas nous en sortir physiquement, dont notre vie peut en payer. Oui. Il a dit donc que si quelqu'un paye le prix avec, de cette manière-là, ce n'est pas pour dire que tout le monde passe par là, nécessairement. Non, c'est pas un chemin obligatoire. C'est pas obligatoire. Justement, parce que je voulais vous poser cette autre question. Est-ce que tous les chrétiens portent leur croix de la même manière? Non, pas de la même manière, parce que vous allez remarquer très bien que pour le cas de l'apôtre Jean, par exemple, il est mort tranquillement, alors que les autres ont été lapidés. S'il y avait un grand disciple qu'on ne devait pas tuer, ça devait être Étienne. Mais Dieu l'a choisi comme le premier martyr, Étienne, pour dire couronne. Et même le symbole même d'Étienne, Étienne, ça veut dire couronne, montre effectivement quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit, rempli des Écritures, Dieu l'a couronné avec, et son nom, avec la souffrance dont il a fait. Et remarquez bien comment il était, pour vous montrer effectivement ses vies de renonciation. Vous voyez, regardez Étienne, le premier martyr de l'Église, comment étant en plein là devant, imaginez seulement les cailloux qui lui frappent sur la tête, qui se tournent là, regardant les persécuteurs sans prononcer les malédictions. Mais si c'est aujourd'hui, on va cracher le feu comme le dragon contre ceux qui sont en train de tuer. Qu'est-ce que Étienne a fait? Il a dit: Seigneur, ne leur impute point cette péché. Mmh. Où nous voyons effectivement que sa vie était tellement précieuse et la vie de ses interlocuteurs était précieuse. Fût-il qui donne sa vie, quand l'apôtre Paul le dit, que j'essaie déjà, même si c'est déjà des libations. Mmh. Vous voyez, il dit que ce qui manque aux souffrants de Christ, j'ai la chef pour son église à mon corps. Donc nous voyons effectivement que ce n'est pas chaque personne a une destinée. Chaque personne a une façon de faire selon l'œuvre à laquelle Dieu l'appelle. C'est pour cela qu'il nous a fait avec des empreintes digitales différentes, oui, pour que chacun ait sa signature sur la tâche et la voie qu'il lui a raccordée. Est-ce qu'on peut dire que les croix varient selon notre degré de maturité ou bien selon l'appel de Dieu dans notre vie? En fait, la croix n'est pas unique. Oui. Non, parce que lorsque nous voyons l'histoire de dans un cheminement, par exemple, si vous avez 80 ans à vivre, que vous montez ou descendez, c'est pas la même croix que vous portez de façon constante. Donc il ne s'agit pas de ces reliques là. On va dire que les circonstances varient. Les circonstances varient justement parce que Dieu va augmenter de degré en degré. Remarquez très bien que le châtiment de Job, pour prendre cet exemple pas précis, où effectivement le châtiment de Job est venu progressivement. Lorsqu'on a fini par tuer son enfant, on va tuer le bœuf. On va finir par tuer le bœuf, il faut qu'il avance pour toucher le corps de Job, ainsi de suite. Et il faut pire encore qu'il faut que sa femme vienne prononcer le pousser à la malédiction. Vous voyez effectivement, à chaque étape, perdre déjà ses enfants, c'est un problème. Perdre le bien matériel encore, c'est davantage un problème. Que la maladie touche encore ton corps, c'est encore davantage un problème. Et vous voyez effectivement que chaque fois, il a les messagers pour lui prêcher cela, afin qu'il s'irrite contre Dieu. Donc, porter sa croix, ce n'est pas une histoire de constance. C'est que lorsque vous avez assimilé, parce qu'en fait, derrière la croix que nous portons, se trouve le collège et les différentes graduations. C'est-à-dire que ce sont les épreuves par lesquelles nous passons pour composer à l'épreuve, à l'école de Dieu. Justement, on aura l'occasion de parler un petit peu de la finalité de la croix. Oui. On aura l'occasion de revenir sur le but même, pourquoi est-ce que Dieu le permet, Dieu le permet, et quelle est la finalité, est-ce que on finit, on souffre et puis bon voilà, ça va, ou bien il y a une finalité à cela, on oui. reviendra, on abordera la question tout à l'heure, mais je voudrais un petit peu qu'on s'attarde un petit peu sur porter sa croix. Oui. Avez-vous l'impression qu'aujourd'hui, on a une église affaiblie, oui, parce que des hommes et des femmes qui constituent cette église ne veulent plus se lever avec leur croix, ou bien ne veulent plus accepter porter la croix? Voilà une très bonne question. Nous allons regarder sur deux angles. D'abord, il n'y a plus des gens qui se mettent à leurs genoux prêts à intercéder, prêts à porter le poids. Mmh. L'histoire de l'Église nous montre pêle-mêle les gens qui passaient, qui avaient des douleurs de l'enfantement. Qui avaient des fardeaux. Qui avaient des fardeaux, justement. Aujourd'hui, nous entendons sur les antennes de radio et dans les prédications aujourd'hui que les pasteurs ont des fardeaux. Et le fardeau, c'est que les bâtiments se remplissent. Mais ce n'est pas le nombre de personnes qui est rempli dans notre bâtiment qui est le problème, qui doit être la finalité. C'est de la qualité de ces personnes qui y sont. Quand la qualité des personnes qui y sont, si la quantité des personnes qui étaient dans nos assemblées aujourd'hui était proportionnelle à la quantité des renoncements, oui, c'est qu'on devrait. Les nations seraient bouleversées. À la capacité de ceux qui portent leur croix et qui se mobilisent pour le justement, Seigneur. Ceci devait donner une indication pour montrer effectivement la pauvreté spirituelle de l'Église. Mmh. Parce qu'en réalité, nous voyons effectivement dans l'histoire de l'Église et dans la Bible et hors de la Bible, c'est-à-dire hors du canon biblique, nous voyons que l'histoire de l'Église nous montre de façon indélébile que tous ceux-là qui ont porté ces fardeaux-là et qui ont accouché des âmes pour le Seigneur ont bouleversé le monde entier. Oui. C'est le feu de réveil qui a balayé tout le monde entier. Oui. Charles Finney, Zwingli et autres là-bas, nous voyons effectivement que ça. Charles Finney particulièrement, vous voyez effectivement que c'est un auteur particulièrement de ces choses qui touchent l'âme pour amener les gens au renoncement. Mmh. Nous voyons effectivement que c'est ça qui nous manque aujourd'hui. De l'autre côté, puisqu'il devait voir ça sur deux angles, la mondanité a saisi l'Église. Et cette mondanité a fait tant, comme nous avons touché dans les deux premières parties de l'émission, nous avons vu effectivement que le fait que la mondanité est entrée, on a commencé à copier du monde, on a commencé à imiter le monde, et finalement on est devenu dans le monde, et l'Église s'est retrouvée en plein dans le monde. Par conséquent, les valeurs du monde dont on doit renoncer se trouvent en plein développé. En fait, manifestées par l'Église. Et magnifié dans l'Église. On a l'impression que ce qu'on devrait fuir, On a accepté, on a embrassé et épousé. Viens nous retrouver à l'église. Et maintenant, vous voyez donc le travail qu'il y a. Puisque quand le monde était séparé de nous, on devait annoncer le renoncement à ce monde. Mm-hmm. Maintenant, le monde se trouve en plein parmi nous. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut d'abord indiquer aux chrétiens et aux croyants d'aujourd'hui que le monde se trouve en notre présence. Mm-hmm. Ça, c'est un. Pour qu'on puisse réaliser et accepter cela, puis maintenant prêcher le vrai renoncement. Mm-hmm. C'est un fardeau. Il faut que le Saint-Esprit vienne au milieu de nous. Alors, on aura l'occasion de conclure en parlant concrètement de comment est-ce que le chrétien doit. Mais je voudrais savoir. Oui. Quelle attitude le chrétien doit adopter, oui, déjà pour savoir que là, il est en train de porter une croix. Oui. Deuxièmement, quelle attitude il doit adopter même quand il est au cœur de ce challenge. Voilà. Lorsque la relation avec le Seigneur, la relation avec le Seigneur, c'est une relation d'amour. Mm-hmm. C'est le christianisme, ce qu'on appelle christianisme aujourd'hui, le christianisme biblique, a ceci de particulier par rapport à d'autres religions, c'est que la vie chrétienne, normalement, c'est une vie de relations. Mm-hmm. Et quand c'est une vie de relations, c'est lié. Le lien de ces relations-là, c'est l'amour. Mm-hmm. Lorsque un individu porte donc l'amour pour le Seigneur dans son cœur, il souhaitera, comme je dis, il souhaitera toujours et toujours faire la volonté de Dieu. Et par conséquent, celui-ci sera au pied du Seigneur pour voir si sa vie est en règle devant le Seigneur. Mm-hmm. Lorsque celui-ci est dans la règle avec le Seigneur, au fur et à mesure, le Seigneur lui montre ses voies par rapport à lui. Mm-hmm. Et par conséquent, il peut donner ses secrets. Dieu ne dit pas tout simplement, ne donne pas ce secret de façon vulgaire à tout le monde comme ça. C'est ceux qui ont connu ses voies, ceux qui connaissent ses voies. Donc, les individus et les chrétiens qui nous suivent particulièrement, ils doivent renoncer. Je dis bien renoncer parce que nous sommes arrivés à une époque de distraction à outrance. Parce que beaucoup de choses nous distraient. On a le Coupe du Monde qui nous distrait, les rugby et de part et d'autre, les séries qui nous distraient dans la maison, les différentes vacances et différents travaux qui nous distraient. Et particulièrement, remarquez bien comment on est devenu au niveau du rituel. Le rituel, c'est je me lève très tôt le matin, je fais ma prière pour ceux qui prient. Mm-hmm. Parce que d'autres, quand ils se lèvent et ils se rendent compte. L'engage directement. Voilà, l'engage il est en retard. Certains m'écoutent maintenant et c'est là qu'ils font le signe de croix pour dire Dieu va comprendre. Dieu ne comprend pas. En fait, on va continuer dans cette train croyant qu'on est avec Dieu. C'est trompant et au final, comme je dis la dernière fois, chacun de nous doit rendre compte à Dieu. Mm-hmm. Il faut qu'on fasse son programme en conséquence. Qu'on comprenne que, en fait, remarquez bien que ceux qui disent qu'il faut que c'est mon travail, il faut qu'ils travaillent, s'ils ne travaillent pas, ils vont manger quoi, pour montrer qu'ici, ils ne comptent pas sur Dieu. Lorsqu'ils sont tombés, ils sont allés à l'été, ils cherchent Dieu là maintenant. Et très souvent, donc, puisque nous parlons de ces souffrances-là, Dieu utilise ces moyens-ci. Faire le temps, c'est qu'on congédie quelqu'un de son travail. Utilise des atouts de maladie pour pouvoir parler au cœur de la personne. Mm-hmm. Et vous voyez effectivement que, et l'expérience a montré que c'est dans la souffrance véritablement que l'être humain cherche Dieu véritablement. Mm-hmm. Parce que quand il est dans le bien-être, quand il est chargé d'un bon point, il ne trouve pas la nécessité de parler au Seigneur. Oui. Oui. Donc on va dire, les circonstances de la vie déjà constituent une sorte de. D'école de Dieu. Des signes qui nous donnent de comprendre que là, le Seigneur est en train de nous interpeller. De nous interpeller, exactement. Mm-hmm. Alors, la deuxième question était de savoir comment savoir que nous sommes avec Dieu. Que là, nous sommes en train de c'est le Seigneur qui le permet. Il faut porter sa croix. Parce que, je le disais au début de l'émission, je ne sais pas si c'est cette émission ou la dernière, que malheureusement, on a l'impression aujourd'hui que, ce sont les démons. Que Dieu ne peut pas permettre qu'on soit confronté à un certain nombre de situations. Du coup, il faut chasser des démons, il faut utiliser toutes les potions nécessaires, il faut utiliser les parfums Saint-Michel, il faut utiliser, en fait, tout ce qu'on peut utiliser pour se défaire de cette situation et absolument sortir de là. Voilà, et comme je vous ai dit dans la première partie de l'émission, c'est que naturellement, l'être humain n'aime pas souffrir. Parce qu'en réalité, comme nous sommes dans ce studio, si vous entendez un son d'explosion, la première réflexe, on va d'abord sortir. C'est pourquoi? Parce qu'justement, en réalité, parce qu'on veut se mettre à l'abri. Oui. Permettez-moi, par exemple, pendant que vous parlez, un passage me vient à l'esprit. Je vais lire le livre de Jacques, chapitre 5, le verset 10. La Bible dit, prenez mes frères pour modèle des souffrances. C'est quand même terrible. Les chrétiens n'aimeraient pas. J'ai dit, il y a des gens qui n'aimeraient pas entendre ce passage. Mais regardez, suivez. Dans Jacques, chapitre 5, le verset 10, il dit, prenez mes frères pour modèle des souffrances et de patience, les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Mm-hmm. Voici, nous disons, bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. Vous avez entendu parler de la patience de Job et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda. Car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. Donc, derrière les souffrances, se cache la miséricorde de Dieu. Donc, nous voyons effectivement, on doit nous donner l'indication, pour répondre à votre question, qu'il y a des souffrances. Dans la souffrance, il faut qu'on soit patient. Et malheureusement, comme vous venez de signaler, beaucoup de personnes veulent à tout prix qu'on prie. C'est pour ça qu'on va visiter le pasteur. Le pasteur a maintenant désormais son cabinet comme un médecin. Et il attend les gens là-bas pour qu'ils viennent pour nettoyer ses souffrances. Et la Bible déclare dans 1 Pierre chapitre 5, le verset 8, qu'on décharge sur nous de tous nos soucis, sur le Seigneur Jésus. Pas le Seigneur Jésus, oui. C'est le Seigneur Jésus qui est le porteur fardeau. Ça veut dire que si nous avons quelque chose, et dans le livre des Philippiens chapitre 4 verset 7, la Bible déclare que si nous avons besoin n'importe quoi, qu'on les lui présente dans nos besoins par les supplications, avec les actions de grâce. Les actions de grâce, c'est ça. La paix de Dieu qui surpasse toutes choses, voilà, gardera nos cœurs en Jésus. Alors maintenant, Qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? Est-ce que les chrétiens comprennent ces choses-ci? Parce que le seul fait que nous avons des inquiétudes, nous venons vers Dieu, nous pouvons venir vers lui et comprendre le pourquoi de cela. Mm-hmm. Et comme les gens ne suivent pas ce canevas, ils vont vers les hommes de Dieu, on va les vendre l'huile, comme vous avez signalé, vendre le mouchoir et les huiles n'enlèvent pas les souffrances. Mm-hmm. En fait, de toute façon, si la souffrance vient de Dieu, vous priez, il va amplifier pour que vous compreniez que c'est sa volonté. Parce que vous ne pouvez pas chasser le Saint-Esprit au nom de Jésus. Vous ne pouvez pas chasser Dieu au nom du Saint-Esprit ou au nom de Jésus. D'où la nécessité, on va toujours revenir sur ce point, d'où la nécessité justement d'interroger Dieu. D'interroger Dieu. Et maintenant, combien de personnes entendent la voix de Dieu? C'est encore une autre paire de manches au milieu chrétien aujourd'hui. Combien entendent la voix de Dieu? Si quelqu'un rejette derrière l'écriture, comment il va comprendre la voix de Dieu? Quand la Bible nous déclare dans Saint Jean chapitre 5 que prenez pour modèle de souffrance les prophètes qui ont parlé de la part du Seigneur, du prophète de souffrance et de patience. Alors maintenant, quelqu'un ne lit déjà pas l'écriture. Il sait que quand il y a un problème, il faut qu'il appelle le pasteur. C'est un danger. C'est un danger pour son âme. Chacun va prendre les écritures pour savoir de quoi il est question. Confronter sa vie avec le Seigneur. En fait, j'ai dit tout à l'heure que la vie chrétienne, c'est une vie de relation et de sa base sur l'amour. Et la question d'abord que cette personne va se poser, c'est oui ou non, est-ce qu'il aime vraiment le Seigneur? S'il aime le Seigneur, il va descendre sur son piédestal pour aller au niveau des Écritures, confronter sa vie avec le Seigneur. S'il n'aime pas le Seigneur, qu'il continue à jouer comme il joue, il va avoir fait des chemins et le pasteur va le tromper, vendre les mouchoirs, des huiles et autres là-bas. Et il va croire peut-être qu'il en est de réussir, mais à la fin, il va se tromper. Mais pour ceux qui aiment le Seigneur, il faut qu'ils comprennent que Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Et il fait chaque chose programmée selon son temps. Le Seigneur Jésus-Christ ne pouvait pas venir au temps de Moïse. Non. La Bible déclare que lorsque les temps ont été accomplis, il a envoyé son fils né d'une femme. Donc, tant que le temps de Dieu n'est pas encore accompli pour quoi que ce soit, il ne fera pas ce que nous voulons. C'est pour ça que nous devons demander les choses selon sa volonté. La Bible déclare que c'est selon sa volonté. Ta volonté, oui. Donc, ça veut dire quoi? Nous avons des problèmes. Nous devons aller devant le Seigneur pour savoir si oui ou non, c'est lui qui permet que nous allons d'ici. Mm-hmm. Et la réponse, c'est pour ça qu'il parlait de la voix de Dieu. La voix de Dieu doit nous témoigner si oui ou non, nous sommes dans sa voie, derrière ces souffrances-ci. Oui. Parce que c'est le test au niveau de foi. Ce que l'apôtre Paul appelle l'homme intérieur. Si l'homme intérieur est troublé dans une situation, Dieu nous appelle à regarder et examiner nos vies. Mais si dans une souffrance, nous voyons effectivement que l'homme intérieur, pourvu que cet homme intérieur soit régénéré. Si c'est régénéré, automatiquement, à l'intérieur, on aura la réponse par rapport à ce que nous sommes en train de vivre. Mm-hmm. Voilà pourquoi vous allez voir, par exemple, un directeur qui est compressé, il va au bureau le matin, on lui annonce qu'à partir d'aujourd'hui, il ne fait plus partie de l'office là. Il rentre en souriant. Normalement, des directeurs dans le monde entier tomberaient en crise cardiaque. Ça devrait créer un gros souci. Absolument. Et vous voyez comment quelqu'un fait, il sourit, il rend grâce à Dieu. Mm-hmm. Je vous le dis, il faut c'est pour ça que la Bible déclare qu'on rend grâce à Dieu en toutes choses. Est-ce que lorsque quelque chose de mal nous arrive, est-ce que nous disons Seigneur, nous te remercions pour cette épreuve-ci? Est-ce que nous le disons? Oui. Parce que quand nous glorifions Dieu dans nos épreuves, ça attire encore sa miséricorde. Et donc les gens ne connaissent pas ces choses. S'ils ne connaissent pas ces choses, il faut qu'on rentre dans les Écritures. Mm-hmm. Donc en fait, on va dire, on est dans un siècle où Dieu n'est pas autorisé à nous faire souffrir. Oui, c'est malheureusement là. Permettez-moi de dire, j'ai un verset tout devant moi là. Allez-y, dans des Romains chapitre 8, le verset 16 et suivant, le verset 17 nous dit, or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Les gens qui prêchent l'évangile de prospérité au-delà aiment cela. Que nous sommes héritiers avec Dieu, nous retenons le royaume, nous retenons sa gloire. Mais le volet suivant dit, héritier de Dieu et co-héritier de Christ. Et il dit, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Donc cet héritage passe par la glorification, mais au préalable, il y a la souffrance. Il y a la souffrance. Puis au verset 18, il dit, j'estime, c'est l'apôtre Paul qui le dit, j'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Mm-hmm. Donc, quelle qu'en soit la souffrance que nous sommes en train de dire, la proportionnalité des récompenses ne peut pas être pesée. Mm-hmm. Ça se passe que si les gens savent effectivement que la souffrance est nécessaire pour nous conduire à la gloire, on va tout simplement s'abandonner entre les mains du Saint-Esprit, tout simplement. Renoncer. Porter sa croix, oui. Marcher avec le Seigneur et surtout donner à Dieu la possibilité de nous influencer et accepter aussi, parce que c'est une question de responsabilité. Absolument. Évangéliste. Absolument. Parce qu'on a l'impression qu'aujourd'hui, on a plus confié notre marche chrétienne aux responsables chrétiens. Ce qui est un danger. Qu'à chaque chrétien, parce que le chrétien aujourd'hui ne s'assume plus et n'assume plus sa foi. On a un petit peu reparti à l'époque d'Adam et Ève. Adam qui estimait que c'est la femme qui estimait que c'est le serpent. Oui. Et maintenant, Dieu va mettre chacun devant sa responsabilité et donner son jugement. Comme dans cet cas où vous voyez effectivement que ça n'a pas empêché que Adam prenne sa sanction. Ève prenne sa sanction. Oui. Donc, on peut avoir la responsabilité, comme j'ai dit dans la première partie de l'émission, que les pasteurs sont à plaindre parce que s'ils ne sont pas formés, ils ne peuvent pas donner les bons enseignements. Mm-hmm. Mais souvenons-nous que j'ai également dit que si les chrétiens doivent prendre la responsabilité, lire la Bible, parce que souvenons-nous encore, pour ceux qui nous écoutent, les pasteurs n'ont pas une Bible différente des autres, différente de ce que nous avons, de ce que les autres ont. S'ils ont des grosses Bibles et il y a des parallèles à l'intérieur, ce ne sont pas des parallèles qui sont des parole de Dieu. La parole de Dieu est contenue à l'intérieur. Et si vous avez des relations avec le Seigneur peut vous expliquer autant mieux comme il explique aussi au pasteur. Mm-hmm. Donc nous avons les uns les autres la responsabilité. Les chrétiens de Bérée, dans Actes chapitre 17, verset 11, vérifiaient pour examiner si ce qu'on leur enseignait était exact. Mm-hmm. Il y a des gens aujourd'hui qui crient le dimanche, dans le dimanche, ils vont le dimanche. Qu'est-ce qu'ils font? Ils vont prendre quoi? Un petit bout de feuille avec leur Bible. Oui. Ils attendent que le pasteur dit, ils notent, ils mettent là. Et la prochaine fois, ils mettent la Bible. Le dimanche matin d'après, de l'autre semaine, ils vont chercher là où ils avaient mis la Bible pour revenir prendre. Ils ne se souviennent même pas ce qu'il est. Pas de communion avec le Seigneur. Malheureusement, on attend de lui. On n'a qu'à faire un tour dans nos assemblées pendant les jours d'enseignement. Et pour constater justement ce sont les jours les moins fréquentés. Pourtant, les réunions de prière. Les réunions de prière des percées, oui, des traversées et autres, là, les gens sont pleins. Voilà. C'est terrible. Malheureusement, ça démontre un petit peu à quelle époque est-ce que nous sommes. Oui. Alors, évangéliste, il va être en Tchabda. Oui. On a parlé beaucoup de choses aujourd'hui. Qu'est-ce que l'auditeur qui nous écoute peut retenir? Il peut retenir clairement que il faut que, première chose, celui qui m'écoute maintenant, vérifie d'abord si oui ou non il aime la vérité. Mmh. Si aimes-tu le Seigneur? La deuxième question, c'est pourquoi vas-tu vers le Seigneur? Mmh. La troisième question, c'est es-tu en règle alors que tu en es écouté maintenant? Est-ce que tu es un disciple du Seigneur? Parce que le Seigneur Jésus a dit que voici les conditions pour être ses disciples. Parce qu'aujourd'hui, les gens se taguent être chrétien. Le Seigneur Jésus a parlé des disciples. Mm-hmm. Lorsqu'on parle des disciples, c'est quelqu'un qui suit une discipline. Ce n'est pas d'être dans une école de disciples là. Non, c'est pas dans une question. Les disciplines du Seigneur Jésus a été tracées une fois par lui. Donc, si quelqu'un m'écoute maintenant, 1, aimes-tu le Seigneur? 2, vis-tu pour le Seigneur? 3, ta vie que tu mènes maintenant, actuellement, honore le Seigneur. Quatrième question, si le Seigneur apparaît là maintenant, es-tu sûr d'aller avec lui dans la gloire? Si c'est non, il faut réformer sa voie, tout simplement. Mmh. Mmh. Réformer sa voie et revenir au Seigneur. Et on l'a dit, pour porter sa croix, première étape, renoncer. Accepter, renoncer. Et deuxièmement, quand on décide de porter sa croix, c'est accepter que Dieu nous impose ses lois à lui. Que Dieu nous impose sa loi. Et c'est sa rigueur à lui. Et ça, c'est pas toujours facile à accepter. Mais pourtant, Dieu dit qu'on doit devoir l'accepter. Merci à vous. Merci à tous qui nous ont écoutés ce matin. Nous vous retrouverons avec beaucoup de joie demain pour conclure. Hein, on abordera. Vous l'avez évoqué. Quel est le but de la souffrance, de cette croix. De cette croix que le Seigneur nous donne de porter. Oui. Est-ce qu'il y a une gloire? Vous l'avez évoqué lors d'une émission, on parle de gloire attachée. Et est-ce qu'il y a une période, une durée précise? Parce que quand on parle un petit peu des souffrances de Dieu, on a l'impression que tout s'est passé en un jour. Ouais. Mais en fait, c'est tout un processus. Qui est allé sur une période de temps déterminée par Dieu. Alors, est-ce qu'il y a un temps précis? À quel moment est-ce qu'on sait que voilà, là, je suis en train de me décharger de ma croix? Vous voyez, prenons d'abord le temps des souffrances. Vous voyez, les gens qui naissent avec la souffrance. Dans Jean chapitre 9, le Seigneur Jésus-Christ nous parle de quelqu'un qui est né aveugle. Aveugle. Depuis la naissance. Oui. Et les disciples lui posent la question, est-ce que c'est parce que son père ou sa mère ont péché ou lui-même? Est-ce que ce n'est ni à cause du péché ni rien? Ça fait que l'œuvre de Dieu s'accomplisse en lui. Mm-hmm. Donc nous voyons effectivement que des gens peuvent naître dans la souffrance. Donc il y a d'autres qui commencent ça tôt. Le cas de Joseph, vous avez mentionné dans une des émissions, si vous avez mentionné le cas de Joseph, que pour lui c'était avec 17 ans. Ouais, vous voyez effectivement que pour Moïse, ça a commencé à 40 ans. Oui. Nous voyons effectivement que chaque programme, Dieu a son programme par rapport à chaque livre. C'est pour cela que les livres doivent être ouverts devant le trône du juge, le grand trône blanc. Mmh. Chacun aura son livre. Et de la naissance jusqu'à la mort. De la nécessité, vous l'avez dit, de coopérer avec le Seigneur afin de connaître la vision de Dieu pour nous. Absolument. Sans cette vision-là, on est désorienté. On sera comme quelqu'un jeté en plein mer et qui n'a pas de boussole. Merci à vous. Merci à tous ceux qui nous ont écoutés. Et nous allons mettre un terme à cette série consacrée, bien sûr, à ce thème porter sa croix. On le constate finalement que c'est un message qui est d'actualité, peut-être, qui ne court pas les rues, oui, mais qui est d'actualité. Le chrétien d'aujourd'hui a besoin de porter sa croix et bien sûr de s'équiper, surtout à cette époque où on parle de plus en plus de persécution, oui, de violence vis-à-vis des chrétiens. On a besoin de s'armer justement et surtout d'être prêt. Évangéliste. Exactement. La Bible déclare donc effectivement que nous devons prendre toutes les armes de Dieu afin de tenir ferme après avoir tout surmonté. On aura l'occasion d'évoquer ce chapitre du livre d'Éphésiens. Ouais. Merci à tous ceux qui nous ont écoutés. On se donne rendez-vous demain. Et pour ceux qui aimeraient entrer en contact avec l'évangéliste Élie Bertrand Tchabda, il est tout simplement à Radio Bonne Nouvelle, le 650-67-86-96, et vous mettrons en contact avec lui. Portez-vous bien, restez connectés. Shalom.